نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد on avait commencé hier le cours qui avait pour titre التقوى حقيقتها وأثر تطبيقها c'est-à-dire la piété sa réalité et l'effet de sa mise en application on était arrivé pas encore à la moitié Donc j'espère qu'on va terminer aujourd'hui, Inch'Allah. J'espère, on va voir en fonction du temps, etc. Inch'Allah, qu'on pourra peut-être commencer un autre cours. Parce qu'on a encore deux cours à faire après celui-ci. Inch'Allah. Et on avait déjà dit plusieurs choses. Alors, de manière très très résumée, est-ce que quelqu'un pour nous dire déjà qu'est-ce qu'on a vu hier pour les frères qui n'étaient pas là, notamment là Hier, après l'introduction... Cheikh Abdullah Bukhari, il nous a fait le récit de Abdullah Al-Ash'as, qui est Abdurrahman Al-Ash'as, et ce qui s'est passé entre lui et le Hajjaj, l'inimitié qu'il y avait entre lui, sachant que Abdurrahman Al-Ash'as, c'était un général de l'armée ou un homme de l'armée, de le Hajjaj, et tout ça, ça s'est passé. Sous la califat de Abdelmalik ibn Marwan. Donc, il nous a fait le récit sur le fait que Al-Ash'as s'est retourné. Il est parti donc conquérir une contrée d'un roi turc. Donc, Abdelrahman ibn Al-Ash'as, il a été envoyé par le Hajjaj pour combattre le roi des Turcs. Non. Il ne s'aimait pas entre eux, ça, oh là là. Non. Le Hajjaj, il a critiqué ibn Al-Ash'as. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Il s'est retourné contre lui. Il a fait le khutbah à ses soldats. Hein? En résumé, de manière très résumée. Et donc, ils sont retournés contre le responsable des armées, c'est le Hajjaj, qui était sous le califat d'Abdel Malik ibn Marwan. Et donc, ils ont dit, ben, comment s'est retourné contre le Hajjaj ? Avant aussi, se retourner contre Abdel Malik ibn Marwan. Et c'est là que la fitna a commencé entre les musulmans. Et les gens se sont rebellés contre le calife. Et ça a amené à beaucoup de morts, notamment la nuit d'Ujail. Il y a beaucoup d'ulama qui sont morts cette nuit-là. Ou en tout cas, pardon, qui ont disparu. À telle époque, dans la biographie de certains ulama, on dit « Fouqid Laylat Dujail ». Un tel, parmi les imams, il était perdu cette nuit-là. On n'a plus de nouvelles après lui. Tellement que la fitna, elle était grande. Hein? Parmi eux, qui ? Le fils d'Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu. Comment il s'appelle ? Abouabeida ou bien Abouabeida ? Hein ? Hein? Et donc on a vu que c'était une grande grande fitna. Maintenant les frères qui n'étaient pas là ou même frères, mais qu'est-ce que ça va avec la taqwa tout ça? Les savants ils ont dit qu'ils devaient éteindre cette fitna. C'est qui le savant qui a dit ça? C'était Qu'est-ce qui s'est passé avec Hassan al-Basri rahimahullah? Il a pris le sabre, il a été avec eux. Il a donné un avis qui était contraire à leur passion, ils l'ont dénigré. Et après, ils l'ont forcé à être dans la fitna pour que les gens, en fait, le suivent. Ils savaient que s'il allait être dans la fitna, les gens iraient le suivre. Et pendant le temps. Après, tu as raison, c'est Abou Abed. Hein? Et, bon? Et après, par le temps, il est revenu sur cela. Et en fait, après, il a dit qu'il fallait éteindre cette fitna par la piété, en fait. Et il l'a repoussé par la fitna. Et alors, à ce moment-là, il le répète toujours, atfi'uha bit taqwa, atfi'uha bit taqwa, itfa'uha bit taqwa, à tel point qu'on dit, mais c'est quoi cette taqwa? Hein? Et c'est là qu'il a donné la définition. Et comment il s'appelle cette personne-là? Comment elle s'appelle? Talq ibn Habib. Rahimahullah. il a dit taqwa an ta'mala bi ta'ati Allah ala nourin min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka ma'siyat Allah ala nourin min Allah makhafatan iqab Allah. On est arrivé à la porte d'Ibn Qayyim rahimahullah et on avait dit que c'était, il avait fait une éloge de cette définition. Il a dit que c'était la meilleure des définitions qui était donnée à la piété. Et il a décrit, rahimahullah, de cette description générique, la meilleure qui était donnée. Maintenant, on continue le cours. Inch'Allah. وقد ذكر هذا هذه الحد أيضا الإمام المفسر ابن كثير في تفسيره عند آية وإياي فاتقون مقررا له وذكر أيضا الحافظ الذهبي رحمه الله في السرع للنبلاء في ترجمة طلق فقال رحمه الله أبدع وأوجز يعني في العبارة أبدع فيها وأوجزها قال فلا تقوى إلا بعمل ولا عمل إلا بترو من العلم والاتباع ولا ينفع ذلك إلا بإخلاص لله لا ليقال فلان تارك للمعاصي بنور الفقه إذ المعاصي يفتقر اجتنابها إلى معرفتها ويكون الترك خوفا من الله لا ليمدح بتركها فمن داوم على هذه الوصية فقد فاز. Elle a été aussi citée cette définition de la taqwa qui est le fait de quoi? La piété c'est de pratiquer l'obéissance d'Allah avec une lumière, on a traduit par science parce qu'on va le voir, c'est ça que ça veut dire en fait, venant d'Allah, espérant la récompense d'Allah et de délaisser la désobéissance d'Allah avec une lumière ou sur une lumière venant, c'est-à-dire une science venant d'Allah, de peur du châtiment d'Allah. C'est un micro pourtant, c'est suffisant. Et cette définition elle a été aussi citée par l'imam Ibn Kathir rahimahullah dans son tafsir, dans son exégèse. Sur l'exégèse du verset de Surat al-Baqarah, verset 41, dont la traduction du sens est « Et c'est moi que vous devez craindre. Hein? »« Haqqa tuqaati » ou « Fa'iyaya fattaqoun » ici. « Fa'iyaya fattaqoun » On parle de taqwa aussi, donc il a parlé de cette définition. Elle a aussi été citée par l'imam al-Dahabi, rahimahullah, dans Sir A'lam al-Nubala, dans la biographie de Talq ibn Habib, où il dit, qu'Allah lui fasse miséricorde, il excella et fut concis. Yani cette définition, elle est excellente et en plus elle est très concise. C'est-à-dire dans la formulation, il y fut concis et excella. Et il dit, al-Dahabi, rahimahullah, il n'y a pas de piété sans action. Et pas d'action sans science. Ni suivi. C'est-à-dire l'ittiba. Et cela n'est utile qu'en étant sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et pas pour qu'il soit dit qu'un tel délaisse les désobéissances par la lumière de la science. Car les désobéissances, afin d'être délaissées, doivent être connues. Et le délaissement des désobéissances doit être par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non pas pour être complimenté sur leur délaissement. Celui donc qui continue dans son application de cette recommandation aura certes réussi. Faqad faz. في الشيخ اللي دي هذه بعض ما قالت الأئمة حول ما قالت طلق واعترافهم رحمهم الله وتقريرهم بأن هذا الكلام من أبدع وأوجز الكلام وأنفعه وأحسنه في بيان ماذا حد التقوى. Il dit c'était donc quelques paroles des imams au sujet de la parole de Talq et leur reconnaissance qu'Allah leur fasse miséricorde que cette parole fait partie des paroles les plus excellentes et les plus concises et les plus bénéfiques et les meilleurs dans la définition de quoi? De la taqwa, de la piété. Maintenant, il dit quoi le cheikh? Il dit نأتي إلى معناها لتعرف دلالة كلمة حق في قوله اتقوا الله حق تقاته. يقول رحمه الله التقوى عمل بطاعة الله. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il a fait l'introduction. Vous suivez ou pas? De la définition qui a été donnée par qui? Talq ibn Habib. Il a fait un récit historique de ce qui s'est passé et qui a amené à cette à la citation de cette définition, d'accord? Puis il dit cette définition, il a rapporté les paroles des Aïma par rapport à cette définition. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il va l'expliquer partie par partie en fait. Et la première partie c'est at-taqwa 'amalun bi ta'atillah. Idhan at-taqwa tashtamilu 'ala al-ityan bil a'mal laysat aqwal mujarrada. 'Amalun bi ta'atillah. ليس العمل أي عمل إنما عمل يقربك من الله قوله بطاعة الله تدخل فيه جميع الأعمال التي تقربك من الله فرضا كانت أم نفلا فالفرائض والنوافل من صدقات وصلاة وزكاة ومساعدة للمحتاجين وغير ذلك وتعليم القرآن وتدريسه ونشر العلم والخير كل هذا يدخل تحت ماذا؟ عمل بطاعة الله. فالله طاعة الله شامل لجميع الفرائض والنوافل التي تقربك من الله جل في علاه. Donc, Cheikh, qu'est-ce qu'il nous dit ici, Hafidahullah Ta'ala? Il dit, sa parole, l'obéissance à Allah, sont comprises dans cette parole toutes les actions qui te rapprochent d'Allah, que ce soit les actes obligatoires ou surrogatoires. Les obligations et les actes surrogatoires, en aumône, prière, la zakat, et le fait des délais nécessiteux, etc. L'enseignement du Coran, la propagation de la science et du bien. Tout cela entre dans quoi? Pratiquer l'obéissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. La parole, l'obéissance à Allah englobe donc toutes les obligations et les actes surrogatoires qui te rapprochent d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Puis le cheikh, il dit, « إذن التقوى عمل وهذا العمل يقول عمل بطاعة الله على نور من الله. فما المراد بالنور هنا؟ المراد بالنور هنا العلم. أي أن هذا العمل الذي تقوم به مبني على العلم. الله جل في علاه يقول يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم سورة المائدة. فالنور هنا بالعلم يعني العمل قائم على العلم ولهذا نص أهل العلم على أن العلم شرط في صحة العمل. قال الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح باب العلم قبل القول والعمل ثم ذكر قول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك سورة محمد. قال فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. Le cheikh dit ici, donc la piété est une pratique des actions. Et il dit au sujet de cette pratique, pratiquer l'obéissance à Allah avec une lumière venant d'Allah. Quel est le sens de lumière ici? Et c'est pour ça que l'on a traduit, parce qu'on a fait une traduction du sens directement par le mot quoi? Science. C'est-à-dire que ces actions que tu pratiques sont basées sur une science. Allah dit, c'est dans la traduction du sens est, « Aux gens du livre, notre messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous êtes certes venu vous exposant beaucoup de ce que vous cachiez du livre, et passant sur bien d'autres choses, et le mot ici l'utilisé, « Nour hein, », une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah. Par ceci, c'est-à-dire le Coran, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Et il fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce. Et il guide vers un droit chemin. Et c'est la traduction de Surat al-Ma'ida, versets 15 et 16. La lumière est donc ici la science, c'est-à-dire la pratique basée sur une science. Et c'est pour cela que les savants ont dit que la science est une condition de l'authenticité d'une action. Alors, je peux vous poser la question maintenant, c'est quoi les conditions et combien elles sont de l'acceptation d'une action? Pour qu'Allah l'accepte une action, hein? Levez la main peut-être que... Ah. Qui sont? Ouais. C'est tout à fait juste. Donc, il a dit le frère que les deux conditions pour que toute action soit acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que l'action, elle soit sincère. Donc, c'est la première condition, l'ikhlas. Et le deuxième, qu'est-ce qu'on appelle l'ittiba, c'est-à-dire qu'elle soit conforme à la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Maintenant, on est les gens de la sunna, on parle avec Dalil, c'est quoi ta preuve? Si tu connais, ou si quelqu'un d'autre connaît. Il y a un verset qui regroupe les deux. Je vous ai déjà trop là. Alhamdulillah, vas-y. إنما الأعمال بالنيات. ليس عليه أمرنا نعم فهو رد. من عمل يا من أحدث يا من عمل. هاي celui qui innove et il y a celui qui fait l'action. Donc ça englobe celui qui l'a fait la preuve, hein, qui innove ça. Et puis il y a celui qui l'a fait. Hein, c'est les deux riwayats. C'est sûr. C'est le surat al-Kahf. C'est le dernier verset de surat al-Kahf. Mais c'est juste ce que tu as dit. Innama al-a'malu bin-niyyah, dans une riwaya de Sahih Muslim, bin-niyyah. Hein? Dans le kitab al-Imara, de Sahih Muslim, bin-niyyah. Et le deuxième, c'est ma'na ahdatha fi amrina, hada ma laysa minha, fa huwa radd. Comme a dit le Nawawi, ay, mardoud ghayr mu'taddin bih, rejeté. Mais il y a un verset qui regroupe les deux. Fa man kana yarju liqa'a rabbih, fa liya'mal 'amalan salihan, ah, l'ikhlas. C'est ça l'ikhlas, non? Non, c'est le mutaba'a. ولا يشرك بعبادة ربه أحد هار والإخلاص. Donc les deux conditions sont dans ce dernier verset de Surat Al-Kahf. Et le cheikh dit, l'imam al-Bukhari a dit dans son authentique chapitre de la science avant la parole et l'action. Puis il cite à la parole d'Allah dont la traduction du sens est sache donc qu'en vérité il n'y a, écoutez, sache donc, fa'alam, voyez l'ilm, fa'alam, sache donc qu'en vérité il n'y a point de divinité en droit d'être adoré à part Allah et implore le pardon pour ton péché. Surat Muhammad verset 19. Il commença donc par la science avant la parole et l'action. L'action est donc basée sur la science. Et prête attention ici à la science, le cher dit. Il va parler d'un point important ici. Il dit, إذن العمل مبعثه أو مبني على العلم. والعلم انتبه هنا. ليس أي علم. ليس أي علم. إنما هو العلم الصحيح المبني على الوحيين. الذي خرج من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. هذا هو العلم, هذا هو العلم المنجي والذي ينير لك الطريق. لا نور إلا هذا النور ولا طريق إلا هذا الطريق. ثق بهذا. Ce n'est pas n'importe quelle science, يا إخوة, mais c'est au contraire la science authentique basée sur les deux révélations qui sort de la bouche du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, qui ne prononce rien sous l'effet de la passion. La traduction du sens de la parole d'Allah dit, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Surat Najm, verset 4. Voilà donc la science, et c'est la science qui est salutaire, et qui t'illumine la voie. Il n'y a de lumière que cette lumière. Il n'y a de voie que cette voie, soit sûre de cela. Il ne faudrait peut-être pas allumer la lumière dans le fond, parce que les gens ne s'endorment pas, non? Est-ce que vous avez remarqué, je parle un peu doucement, on n'a pas de micro, c'est pour ne pas déranger le voisinage en fait. Hein? Parce que le fait de faire ça, ça pourrait amener une mefsada, et que le fait que les gens se plaignent, etc., etc., et par respect du voisinage, on préfère éviter cela. Donc voilà donc la science, et c'est la science qui est salutaire et qui t'illumine la voie. Il n'y a de lumière que cette lumière, et il n'y a de voie que cette voie, soit sûre de cela. Puis Cheikh rapporte un verset du Coran, il dit يقول الله جل في علاه وإن تطيعوه تهتدوا ويقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فلا نور إلا هذا النور ولا طريق إلا هذا الطريق. La traduction du sens de la parole d'Allah dit, et si vous obéissez, et si vous lui obéissez, c'est-à-dire à qui? Hein? Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidé. Surat An-Nur, verset 54. Et en vérité, tu guides vers un chemin droit. Surat Ash-Shura, verset 52. Pas de lumière donc en dehors de cette lumière, et pas de voix en dehors de cette voix. La science, mais quelle science? Le Cheikh dit, c'est la science authentique basée sur les deux révélations, et cette science est reprise en reprenant les gens de science. فالعلم أيها الأحبة أي علم هذا هو العلم الصحيح المبني على الوحيين وهذا العلم يقبض بقبض أهله كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المخرج في الصحيحين إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم يفتي انتبه بغير علم فضلوا وأضلوا والعياذ بالله. فالعلم منجي هو العلم المبني على الوحيين. الله ne reprend pas la science. C'est la science authentique, on a dit, hein, basée sur les deux révélations. Et cette science est reprise en reprenant les gens de science. Comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Amr ibn al-As, rapporté dans les deux authentiques, c'est-à-dire le Bukhari ou le Muslim, Allah ne reprend pas la science en l'arrachant des cœurs des gens, hein, ou plutôt des poitrines des gens, d'accord, mais il reprend la science en faisant mourir les savants jusqu'il n'y ait plus de savants. Les gens prendront donc à leur tête des ignorants qui seront questionnés et donneront des avis juridiques, fatawa, sans science. ils donnent des avis juridiques, sois attentif. Ils s'égareront donc et égareront les gens. Nous cherchons refuge en Allah contre cela. La science qui est salutaire est donc la science basée sur les deux révélations. Puis il rapporte une belle parole de l'imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. يقول الإمام القيم رحمه الله في كتابه الفوائد قال أعلى الهمم في طلب العلم طلب العلم الكتاب والسنة والفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم نفس المراد وعلم حدود المنزل. الإمام ابن القيم رحمه الله قال الفاس ميزريكا dans son livre الفوائد il dit la plus haute des motivations, et ça c'est comme ça que les gens de la sunna doivent être, c'est qu'ils cherchent toujours ce qui est le plus haut, hein, avoir toujours la plus grande motivation. La plus haute des motivations dans la quête de la science est la quête de la science du livre d'Allah et de la sunna, et de comprendre d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam de la compréhension correcte et la science des limites de la révélation. Après on va parler de ce que ça veut dire les limites, inshallah. Le cheikh dit a'la al-himam, pluriel de himma, fi talab al-ilm, talabu ilm al-kitab wa sunna, li'annaka ma'mourun bidhalik. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi. أولياء قليلا ما تذكرون سورة الأعراف. وكل عباد سيسألون عن أمرين اثنين, الكل سيسأل ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. فالأول منهما جوابه ماذا كنتم تعبدون, هو بتحقيق التوحيد والعبودية لله جل في علاه, جوابه تحقيق العبودية لله. والثاني جوابه تحقيق تجريد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ذكرته قد نص عليه الإمام ابن القيم رحمه الله في مواضع من كتبه كما في مقدمة زاد المعاد واجتماع الجيوش الإسلامية وغيرها, وهو حق. La plus haute des motivations dans la quête de la science est la quête de la science du livre d'Allah et de la sunna, car cela t'est commandé, cela t'est ordonné. La traduction du sens de la parole d'Allah dit: suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur et ne suivez pas d'autres alliés que lui. Sourate Al-A'raf, verset 3. Et tous les serviteurs seront questionnés sur deux choses. Tout le monde sera questionné. Qu'adoriez-vous? Et comment avez-vous répondu aux envoyés? La réponse à la première question. C'est quoi la première question? Voir si vous êtes toujours avec moi ou là. Hein? Qu'adoriez-vous? Et comment avez-vous répondu aux envoyés? La réponse à la première question, qu'adoriez-vous, c'est par la réalisation de l'unicité et de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. La réponse est donc quoi? La réalisation de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la réponse à la deuxième question, c'est la réalisation du suivi pur du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ce que j'ai dit a été écrit par l'imam Ibn Qayyim rahimahullah à plusieurs endroits dans ses livres, comme dans l'introduction de Zad al-Ma'ad. Vous connaissez Zad al-Ma'ad? C'est quoi Zad al-Ma'ad? C'est un livre dans quoi? Non, ça sera dans la biographie du prophète. Vous savez comment il l'a écrit, Ibn Qayyim? Il l'a écrit sur une monture en plein voyage. Ça, c'est un livre de référence pour nous aujourd'hui. Zad al-Ma'ad. Et Ijtima' al-Juyush l'Islamiyya. Et d'autres parmi ces livres, et c'est une vérité. La plus haute des motivations dans la quête de la science est la quête de la science du livre d'Allah et de la sunna, et de comprendre d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. De la compréhension comment? Correcte. Ce qui est voulu, Cheikh ici il dit quoi? Il dit وَهَذَا الَّذِي أَعْلَى الْهِمَامِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ طَلَبُ الْعِلْمِ الْكُتَبُ وَالسُنَّةِ الْفَهْمْ عَنِ اللَّهِ وَعَنَ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نفس المراد. ليس المراد فهمك ولا فهمي ولا فهم زيد ولا عمر من الناس. أن تفهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم, لتعبد الله على بصيرة. ويدلك على هذا الفهم موافقة الصحب الكرام وسلف الأمة الصالح, فلا تخرج عن أفهامهم ولا عن أقوالهم, والفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نفس المراد. C'est une mesele comme qui est très importante aussi ici, que si dit le cheikh, il dit ce qui est voulu, ce n'est pas ta compréhension ni la mienne, ni celle d'un tel ou d'un tel parmi les gens. Ce qui est voulu, c'est que tu comprennes d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam, de la compréhension voulue par Allah et de la compréhension voulue par son messager sallallahu alayhi wa sallam, afin que tu adores Allah avec science. Et ce qui t'indique cette compréhension correcte. Parce que toi, tu peux te poser la question maintenant, d'accord, je suis d'accord, mais comment est-ce que je fais pour voir, hein, si c'est correct ou pas ma compréhension? D'accord? Eh bien, ce qui t'indique cette compréhension correcte, c'est d'être en accord avec les nobles compagnons et les pieux prédécesseurs de cette communauté. Ne sors donc pas de leur compréhension, ni de leurs paroles, et que tu comprennes d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, de la même compréhension que la leur. Puis il dit, ثُمَّ قَالُوا عَلَمْ حُدُودَ الْمُنَزَّلِ هُنَاكَ الْأُمُورِ لَهَا حُدُودِ لِمَا لِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَى يَقُولُ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ويقول جل وعلا ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه سورة الطلاق les deux premiers versets c'était de sourate al-Baqara وعلم حدود المنزل اين تقف يجوز لك ان تخوض او لا يجوز لك ان تخوض Cheikh il dit et la science des limites de la révélation y a-t-il des choses qui ont des limites le Cheikh dit pourquoi car Allah a dit ce dont la traduction du sens est voilà les ordres d'Allah Ne les transgressez donc pas. Surat al-Baqara, verset 229. Et le mot ici en arabe, c'est quoi? Hudud. Hein? Et Allah dit, selon la traduction du sens est, voilà les lois d'Allah. Ne vous en approchez donc pas pour les transgresser. Surat al-Baqara, verset 187. Et Allah dit, selon la traduction du sens est, quiconque cependant transgresse les lois d'Allah, s'est fait du tort à lui-même. Surat al-Baqara, verset... Surat al-Talaq, verset 1. Et les connaissances des limites de la révélation. Où tu t'arrêtes hein, c'est quoi ta limite T'est-il autorisé de parler ou n'était-il pas autorisé de parler Puis Cheikh il dit وَتَرَوْنَ أَيُّهَا الْأَحِبَّةُ وَمَا تَسْمَعُونَ مِنْ كَثْرَةِ الَّذِينَ يُفْتُونَ وَيَتَكَلَّمُونَ وَيُغِرُّونَ فِي بَعْضِ الْفَضَائِيَاتِ أَوْ فِي بَعْضِ نَعَمِ الْكِتَابَاتِ فِي الْإِنْتَرْنَتِ وَغَيْرِهَا كُلْ هَذَا لَا يَعْرِفُ الْوَاحِدُ كَثِيرٌ مِنْهُمْ لَا يَعْرِفُ حُدُودَ الْمُنَزَّلِ فيهدي كثير منهم يهدي بما لا يدري ويقع الناس الفتن والمحن والشحناء والبغضاء والاقتتال الى غير ذلك ça c'est quelque chose que n'importe quel d'entre nous peut voir aujourd'hui والعياذ بالله من ذلك صلى الله عز وجل مصلح احوال المسلمين في كل مكان اليس ذلك كذلك يا اخوتاه je pose la question je vous apporte une règle en arabie hein اليس كذلك الحمد لله vous avez pas dit naam Alhamdulillah. Quand on dit Alayhi Sakadali, qu'on dit Bala, ou quand on dit non, on dit Kalla. Alhamdulillah. Alayhi Sakadali, Kakadali, Ya Ikhwatah, Andoru Antum Tarawna, La Yahtaj Luaqa, Khairu Shahid. Idan, et taqwa amalun bi ta'atillah, ala nourin min Allah, tarjou, thawab Allah. Et vous voyez, ô mes bien-aimés, et vous entendez comme nombreux sont ceux qui donnent des avis juridiques, religieux, et parlent et dupent les gens sur certaines chaînes satellitaires ou certains écrits. Sur internet ou autre. Aucun de ceux-là ne connaît les limites de la révélation. Hein? Vous connaissez Abu Qatada? Ça, c'est pas dans le cours. Vous connaissez Abu Qatada? Hein? Il habite où? Il habite à Mecca? Il habite à Médine? Il habite où? Il habite à London, chez nous, en Angleterre. Hein? Il est encore vivant? Non. Il est en résidence surveillée. Hein? Vous savez sa fatwa? Vous connaissez sa fatwa sur les femmes et les enfants? Qu'est-ce qu'il dit sur les femmes et les enfants faut les cajoler, faut quoi Qu'est-ce qu'il dit C'est autorisé de les Hein Sharia ça Hein Regardez, on a dit le dalal. Le dalal. Hein Et les ulama, ils ont réfuté, ils ont montré, hein, des fatwas de sa part, c'est pas quelque chose inventé. Hein Il fait partie des têtes de Khawarij à notre époque. Hein Donc il a annoncé. Non, c'est une fatwa, non. Et il y a des Algériens ici. Il y a des Algériens ou pas hein? Non oui, Vous savez ce qui s'est passé en Algérie, je ne dois pas vous dire. Hein Hein, hein? Ah, les frères, alhamdoulilah, ils sont là. Oui. Et quoi C'est ça, non, c'est le fatwa. Les frères, regardez, ils étaient là. Ils sont meilleurs témoins que moi. Parce qu'ils étaient là. Moi, je connais un peu parce que j'étudie ce qui s'est passé en Algérie, etc. Mais, regardez, et moi, je connais des frères, Tullab al-Ilm, Hafal al-Qur'an, qui ont vu ça de leurs propres yeux. Hein? Il faut savoir ça, il faut pas être naïf. Hein? C'est à ça que ça mène l'inhiraf al-Fikri. Il y a des femmes parmi nos sœurs qui ont été violées en Algérie. Il y a des gens, des femmes, des enfants, des personnes âgées, des adultes, de tous les âges, qui ont été égorgés, massacrés, sous le soi-disant nom du jihad en Algérie. Il faut savoir ça, il faut étudier un peu. Il y a des livres entiers qui ont été écrits sur la fitna en Algérie. Hein? Alhamdulillah, c'est qui a essayé de... Hein? Talq ibn Habib, qu'est-ce qu'il a dit? Atfi'ouha, atfi'ouha bit taqwa. C'est qui à cette époque-ci qui a fait ce travail? L'ulama d'Ahl Sunnah. Et Cheikh Rabi' à leur tête, Cheikh Al-Uthaymeen, Cheikh Al-Albani, etc. Hein? Ils ont fait nasiha aux gens, ils ont fait fatwa, ils ont dit, ah, d'amour, car ça ne fait pas partie de charia l'islamia, tout ce que vous faites là. Hein? Il faut étudier un peu ce qui s'est passé. Il ne faut pas être naïf. Il y a quoi comme livre? Hein? Demandez aux frères algériens, ils connaissent. Demandez aux frères algériens. Demandez les frères, ils sont là, alhamdoulilah. Pourquoi j'ai cité ça? C'est pas dans le cours, mais c'est important de l'illustrer par des exemples. Il y en a plein d'exemples comme ça. Il y en a plein. Mais regardez à quoi ça amène, le fait de parler sans connaître les limites de la révélation de l'islam. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que... Hein? Ça fait le fitna. Il y a des gens qui meurent. Hein? Il y a des gens qui ont niqué, certains de nos sœurs qui sont violées, etc. Ma face est sont kathira. Et aussi le fait de quoi? C'est une mauvaise image à l'islam. Hein? Et à la sunna. Parce que ces gens-là, ils font ça au nom de la salafia, au nom de la sunna, faut savoir ça. Les riches donnaient des noms. Salafia wa al-qital. Comme dit Cheikh Barad al-Hajiri, il met toujours un autre nom qui les fdah en fait. Hein? Salafia wa al-qital. Qui est al-qital? Hein? Le groupe salafiste, combattant. Kif combattant? Pourquoi tu dis pas salafi? Parce que tu n'es pas salafi. Comment tu dois leur répondre à ceux qui disent de la salafi al-jihadi? Nous, on n'a pas, ça existe. Le mashiach, ils ne connaissent pas sa salafi al-jihadi. Il dit, c'est quoi? Qu'est-ce que tu entends par ça? Nous, on n'a pas ça. Les ulama, ils ne les considèrent pas comme des salafis, ces gens-là. Ils les considèrent comme des khawarij. C'est ça le mot, le terme shar'i pour eux, c'est des khawarij. Parce que tout le monde veut se revendiquer des salafis, les plus prédécesseurs, sahaba radiallahu anhum. Hein? Ça, c'est un nom qui est porteur. Vous vous rappelez ce qu'on a dit hier par rapport au slogan? Hein? Salafia, salafia, les gens ils vont te suivre. C'est dire, ana min ahl dalal. Tu peux pas dire, moi je fais partie des gens de l'égarement. Il n'y a personne qui va te suivre. Tu dis, salafia, salaf salih, kitab sunnah, salaf salih. Hein? Alors les gens ils vont te suivre. Walakin, leur méthodologie, leur croyance, elle est contraire au fondement de la salafia. Dans beaucoup de points. Et tu regardes, il y a une chose qui il n'y a aucun des ulama qui est avec eux. Comme à l'époque, le Khawarij, il n'y a aucun des sahaba qui était avec eux. Sahaba, imagine-toi, imaginez-vous ça, ikhwa. Ces gens-là, ils prenaient le sabre, ils levaient le mushaf, ils disaient quoi? Inil hukmu illa. C'est qui est en face d'eux? Ils sont prêts à combattre, hein? As-sahaba. Regardez l'inhiraf al-fikri. As-sahaba, ils sont en face de toi. En face d'eux, hein? Et ils ont là, ils sont prêts à combattre. Pourquoi? Parce qu'il y a Taqidon, Anna, et vous savez celui qui a tué Ousmane ibn Affan? C'est qui? Hein? Ibn Mujib, qu'est-ce qu'il a dit quand il a tué Ousmane ibn Affan? Allez, le sens. Je n'ai pas vu, il sautait, il disait, je n'ai pas vu d'action meilleure qui me rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala que ça. Ousmane ibn Affan, d'un nourin. Hé! Pourquoi? Parce qu'ils font cela par niyad ibada. Othman ibn Affan, ya ikhwa. C'est pas toi ou moi ou Othman ibn Affan, Dun Nourin. Le troisième calife, parmi les califes de l'islam. Pourquoi on l'appelle Dun Nourin? Parce que c'est marqué deux filles du prophète, alayhi salatu wa salam. Et il fait partie de qui, Othman ibn Affan? Des à qui le paradis a été promis. Et qu'est-ce qu'ils font le khawarij? Il assassine, radiallahu anhu, arda. Et Ali, après Othman, au temps d'Ali, radiallahu anhu, il a combattu le Khawarij. Imaginez-vous ça un moment, ya ikhwa. Il y a des dalal. Aujourd'hui aussi, il n'y a pas un alim avec eux. Rien que ça te suffit. Rien que ça te suffit. Salah al-afiyah, ikhwa. C'est pour ça que c'est important. Il y a d'ailleurs des chapitres qu'on entisse dans la sunna. Quand on regarde dans le Sunan Ibn Majah et d'autres livres, sur le Khawarij, les ahadith, riwayat sur le Khawarij. On ne veut pas mettre le cours trop long ici, mais il y a beaucoup de fawa'id de rapporter ce genre d'ahadith. Enfin, les ulama ont consacré des livres maintenant là-dessus. Hein? Oui, etc. Ajurri. Hein? Beaucoup de livres, de salaf, moi je te parle là maintenant, des anciens. livre de la Sunna, plus les contemporains, alhamdoulilah, les hommes l'okhiran, ils ont parlé beaucoup de ce genre de masail là. Et regardez, bah, regardez la phrase qui est « Aucun de ceux-là ne connaît les limites de la révélation. » Mais ça, ça les concerne, ça. C'est pour ça qu'il faut faire attention de prendre une source sûre. Hein? Avant d'être trompé, d'être dupé, de rentrer dans des choses hein, dont tu peux regretter les conséquences. Mais c'est tout ce qui touche au sang des gens, là, c'est des choses très très dangereuses. Il faut faire attention. Comme on a dit hier, il y a des gens, ils volent les kofas, hein? Ils disent quoi? C'est halal, c'est jihad. C'est dar al-harb ici, c'est, on est en guerre. Hein? Puis quand il va toucher les RSA, il n'y a pas la guerre là, à ce moment-là. Hein? C'est de l'fiqh hada, c'est de l'monsaïba hadi. Hein? Il y a quoi, c'est. Parce que je vois peut-être des visages qui sont un peu étonnés, etc. Il y a quoi, c'est des choses qui existent. On les rapporte parce que ça existe, c'est pour mettre en garde contre ces choses-là. Il y a des gens, ils ont cette compréhension de l'islam. Et ils mettent ça sur l'islam. Cheikh, il dit, beaucoup d'entre eux radotent et parlent de ce qu'ils ne connaissent pas. Ils font tomber les gens dans des troubles et des calamités et la haine et l'inimitié et dans le fait de combattre les uns contre les autres. Et c'est vrai, Yahikhwa. Et Cheikh, il dit d'ailleurs, n'est-ce pas, mes frères? Regardez, vous verrez, vous n'avez pas besoin de plus, car la réalité est le meilleur témoin. Et vous voyez le fitel qu'il y a aujourd'hui encore, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc la piété, c'est de pratiquer l'obéissance d'Allah avec une science venant d'Allah en espérant la récompense d'Allah. D'ailleurs, ce cours-là, ce que j'ai dit là sur l'Algérie, une fois, Annie, en Angleterre, je l'ai dit dans un cours, et sur Internet, ils m'ont menacé de mort. Hein? Regardez le fahm. Là, si t'as un ilm, tu veux réfuter, atina bi dalil. Hein? Directement quoi? Hein? Ils ont dit, ouais, celui-là, il veut les papiers. Je suis né en Europe, je suis né. Hein? Regardez, il vient, allez, je vais du bled, je cherche les papiers, allez, je dis des choses comme ça pour. Hein? Regardez, ma mère, taqun Allah azza wa jal fi aqwalihim wa al-af'alihim. Hein? Et subhanallah, quand vous voyez beaucoup d'entre leurs pratiques, hein? Faut pas croire, attention, hein? Il y en a beaucoup de voir les pratiques, ils sont loin de la pratique, ils sont corrects. Beaucoup d'entre eux ont des ma'asi ou l'aïdou billah. Hein? La yattaqun Allah Azza wa Jal. Hadi aqwal, man la yattaqun Allah Azza wa Jal. C'est des paroles de ceux qui craignent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a dit, donc la piété c'est de pratiquer l'obéissance d'Allah avec une science venant d'Allah en espérant la récompense d'Allah. Cheikh, il dit, qu'est-ce qui te pousse à cette pratique? Il dit, التقوى عمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله الباعث لك على هذا العمل لا يمدح والله إن فلانا من المتقين بدليل أنه يطعم الطعام ويقرئ الضيف وكذا وكذا رجل صالح صوام قوام هذا أنت لا تفعله للناس أنت تفعله ليمدحك الناس قد قيل ثم ذهب الأزر يعد بالله وبقي الوزر. Hein? Il faut pas, même si bah, je vais vite faire un rajout par rapport à ce que j'ai dit, parce qu'il y en a qui risquent d'avoir l'apparence de taqwa. Khawarij, ils ont pas été décrits par taqwa. Hein? On va le voir ça dans le darj de Cheikh Raslan, inshallah. Et que malgré ça, ça n'a pas empêché le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire ce qu'il a dit sur eux, et ça n'a pas empêché les sahaba, ils ont pas été trompés par ça. Donc une petite histoire vite racontée. Ali radiallahu anhu, il était l'émir quand il combattait le Khawarij. Et Cheikh Falah Ismail nous a raconté que une nuit, il y avait des combats entre le Khawarij et les Sahaba. Hein? Et une nuit, lorsque les Sahaba, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient dans le camp des Sahaba, ils soignaient leurs blessures, etc. Ils se reposaient, hein? Chacun préparait ses affaires, etc. pour le lendemain, etc. D'accord? Et évidemment, chez les musulmans, il y a des gens qui font la garde. Dans le camp des Sahaba. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le camp des Sahaba, il y a quelqu'un qui faisait la garde. Et il s'est rapproché près des Khawarij. Vous connaissez cette histoire? Qui connaît cette histoire? Hein? Si c'est son nom? Hein? Moi aussi, j'ai oublié. Sarahatan, j'ai oublié. J'aurais bien voulu que tu me le rappelles. Hein? À la coulée, elle retournez au livre et vous retrouvez, Inch'Allah, son nom. Et qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Donc les sahaba, ils se reposent, ils soignent leurs blessures, etc. Et lui, il se rapproche, le garde. Il se rapproche du proche des khawarij. Et qu'est-ce qu'il entend? Il entend du bourdonnement de la lecture du Coran de Qiyam al-Layl. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça l'a affecté. Hein? Yani nous on combat ces gens-là. Mais qui est passé par là? L'amir Mouminin, il dort pas. C'est Ali radiallahu anhu. Hein? Regardez l'amir, comment il est. Hein? Il s'attache à. Il donne l'importance à la situation des musulmans. Et il est passé près de lui et il a vu ça de lui, il a senti ça de lui. Et il lui a posé la question. Il a dit Na'am, mais qu'est-ce qu'il a fait Ali radiallahu anhu? Il a commencé à lui rapporter toutes les riwayats sur le Khawarij. Par rapport à Tahkiruna salatakum ila salatihim, wa siyamakum ila siyamihim, etc. Hein? Par rapport à l'ibada, hein? Sunnah. Ni attention, faut pas être trompé par quoi? Par leur adoration. Imaginez-vous la nuit, Qiyam al-Layl. Hein? Et ils se préparent pour quoi? Qiyam al-Layl, al-Dikr, le Coran, etc. Pour le demain, les combattre qui? Les Sahaba. Regardez l'inhiraf al-Fikri. Qu'est-ce que ça fait? Hein? والانحراف في العقيدة الله المستعان شيخ il dit qu'est-ce qui te pousse à cette pratique afin d'être le sujet d'éloge par Allah un tel fait partie des pieux et la preuve est en est qu'il nourrit les gens et héberge l'invité et ceci et cela vertueux qui jeûne beaucoup qui prie beaucoup la nuit cela tu ne le fais pas pour les gens le fais-tu pour que les gens fassent ton éloge. Alors il sera dit cela, et la récompense sera perdue. Nous cherchons refuge en Allah contre cela. Et ce qui sera obtenu, ce sont des péchés. Ce qui te pousse donc vraiment, c'est quoi? C'est que tu ne cherches avec cette pratique, avec ces adorations, ces actes d'adoration, que la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne cherches qu'à te rapprocher de lui parce qu'il aime comme action vertueuse, pas pour qu'on fasse ton éloge. Écoutez ce que dit le cheikh ici, il dit فالباعث لك على الحقيقة أنك لا ترجو بهذا العمل وبهذه القربة إلا وجه الله جل وفي علاه وإنما تريد بذلك أن تتقرب إليه بما يحبه سبحانه وتعالى من العمل الصالح لا لتمدح لكن لو جاء ذلك تبعا فيما بعد أن ذكر الرجل بالحسنى وأنه محسن فما قام عنده الأمر وما قعد مدحه الناس أم ذموه يستوي عنده الأمر ولا Mais de plus, si les gens font son éloge en conséquence de ce qu'elle a fait comme action et qu'on parle d'elle en bien et que c'est une personne bienfaisante, cela ne lui fait ni chaud ni froid. Et que les gens fassent son éloge ou la blâment. Et que les gens fassent son éloge ou qu'ils te blâment, ils te critiquent, toi ça te fait ni chaud ni froid. Pourquoi? Parce que tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si elle lui est égale, il ne se soucie de rien. Et puis le shir, il dit une règle importante, le nombre et l'éloge n'ont jamais été la mesure de la vérité. D'ailleurs, une très belle parole que Shir Abid dit tout le temps. Iyakum wa turuq al-dalal walaw kathura al-halikun. Hein? Bah, ahyanan yani ana sami't al-halikun. Wa alaykum bi turuq al-huda walaw qilla al-salikun. Hein? Prenez garde aux voies de l'égarement, même si beaucoup de déviants les empruntent. Et suivez les voies de la guidance, et même si le nombre des gens qui les empruntent est moindre. Donc, Dalil, ce n'est pas le Katra, c'est le Houda. Et il donne un Dalil du Coran. La traduction du sens de la parole d'Allah dit: et si tu oublies la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Sourate An'am, verset 116. Wa in tuti' akthara man fil ardi yudilluka 'an sabilillah, wa ma aktharu an-nasi walaw harasta bimu'minin. Walakin idha ja'a dhalika tab'an fatilka 'ajilu busra al-mu'min. Et la traduction du sens de la parole d'Allah dit: et la plupart des gens ne sont pas croyants malgré ton désir ardent. Sourate Yusuf, verset 103. Mais si cela vient après en conséquence, alors c'est la bonne nouvelle pour le croyant ici-bas. Donc ce qui doit te pousser à cette pratique, c'est la sincérité. Regarde sa parole, qu'Allah lui fasse miséricorde. Idan jam'a laka, jam'a laka fi hadha at-ta'rif al-awwal rukni al-ibada. Al-ikhlas. Afwan. Idan al-ba'ith al-haqiqi 'ala al-'amal huwa madha al-ikhlas. Wa andhur ila kalamihi rahimahullah, at-taqwa fi shaqqiha al-awwal عمل مبني على العلم بإخلاص لله صحيح والعمل إذا تقوم به هل تقوم بهواك ولا باتباع سيد الخلق عليه الصلاة والسلام تتبع سيد الخلق إذن جمع لك في هذا التعريف الأول ركني العبادة الإخلاص والاتباع. ثم قال رحمه الله والتقوى ترك معصية الله، ترك المعصية، الابتعاد عن المعاصي، ترك معصية الله. ليس المراد بالمعصية هنا هو الفسق فقط أو الفسوق، كما كل ما يدخل تحت المعاصي داخل في هذا اللفظ. وأعظم المعاصي ماذا؟ الشرك بالله عز وجل، والكفر به معصية عظيمة، ثم يليه الابتداع ومخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جميع أنواع الفسوق الأخرى. شيخ دي mais si cela vient donc ce qui doit te pousser à cette pratique c'est quoi? C'est la sincérité. Regarde sa parole qu'Allah lui fasse miséricorde. La piété dans sa première moitié est la pratique basée sur la science en étant sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas? Et si tu pratiques une action, tu le fais selon tes passions ou en suivant le meilleur des hommes, alayhi salatu wassalam? C'est quoi la réponse? En suivant le meilleur des hommes, alayhi salatu wassalam. Cette définition t'a donc regroupé dans sa première moitié les deux piliers de l'adoration. La sincérité et le suivi du messager d'Allah, sallallahu alayhi wasallam. Puis il dit qu'Allah lui fasse miséricorde, et la piété c'est de délaisser la désobéissance à Allah. On avait dit au début, c'est quoi? C'est pratiquer l'obéissance à Allah. Puis on a parlé, maintenant il parle de quoi? Délaisser la désobéissance à Allah, azza wa jalla. Ce qui est voulu ici, ce n'est pas que les péchés. Parce que les gens vont peut-être comprendre la désobéissance par les péchés, hein, le ma'asi qui sont en dehors du shirk, du kufr, etc. Il dit, mais c'est tout ce qui est une désobéissance qui entre dans cette parole. C'est donc quelque chose de quoi? De générique, de très général, qui englobe tout. Et la plus grave des désobéissances, ou le plus grave des péchés, c'est de donner des associés à Allah, subhanahu wa ta'ala, et de mécroire en lui, subhanahu wa ta'ala. C'est un péché énorme. Puis après cela, il y a le fait d'innover dans la religion. C'est-à-dire, vous avez le kufr et le shirk, vous avez quoi? Le bid'a. Et de transgresser la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis ensuite, tous les autres genres de péchés et de désobéissance. Sa parole, délaisser la désobéissance d'Allah, c'est donc tous les types de péchés, que ce soit la mécréance, donner des associés à Allah, innover dans la religion, et les autres péchés. Tu les délaisses tous. Tu fais des efforts et tu te bats contre toi-même afin de les délaisser et de les repousser. Il y a à ce sujet une sublime parole de l'imam Maymoun ibn Mihran, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui a été rapporté par Abu Nu'aym dans le Hilya, et cité par Al-Hafid ibn Rajab. Il y a un livre très connu d'Ibn Rajab. C'est quoi le livre? J'ai entendu le premier mot là. Il y a un livre très très connu. Je voudrais celui-là parce que c'est celui-là que je vais citer. Jami' al-Ulum wal-Hikam. Qui est quoi? Non? Quel hadith? C'est ça. En fait, Léon Nawawi Rahimah a écrit 40 hadiths, on dit 40 en arabe, mais c'est 42. Hein? Et Ibn Rajab, lui-même, il a rajouté 8 hadiths pour finir 50. Hein? Qui sont du même type que les 42 hadiths de l'imam Nawawi, c'est-à-dire des paroles génériques du prophète A.S. Et puis ces 50-là, il les a expliqués lui-même. D'ailleurs, quand vous regardez le charah de Sharh al-Masil al-Abad d'Arba'u Nawawi, c'est quoi le titre? Hein? فتح القوي المتين بشرحي وتتمة الخمسين للإمامين النووي وابن رجب رحمهما الله عز وجل. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a expliqué les 50 sur le Masl Abbad. Et bien Ibn Rajab dans ce livre là Jami' al-Ulum al-Hikam, c'est-à-dire sur le Masl Abbad, quand vous écoutez les cassettes de Sharh Abu Nawawiya, il y a souvent le talib à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le talib il prend des fois le Jami' al-Ulum al-Hikam, il lit sur le shir, hein? Parce que le shir il s'est basé dans son explication sur ce livre là. Et l'explication de qui? Sur Masl Abbad, sur l'Uthaymin. Il l'a dit dans l'introduction. Sur Masl Abbad, il s'est basé sur l'explication d'Ibn Rajab et de sur l'Uthaymin. Il dit, Rahimallah Ibn Rajab, écoute cette belle parole. C'est une parole de Maymoun ibn Mahran qui a été rapportée par Abu Nu'aym dans l'Hilya et par Ibn Rajab rahimahullah dans Jami' al-Ulum wal-Hikam. Donc il dit Maymoun ibn Mahran, a'malu al-birr ya'maluha al-barr wal-fajir. Wa amma tarku al-ma'siyah fa la yaqwa 'alayha illa Siddiqun. Allahu Akbar. Encore une fois, comme on a dit, on pourrait juste dire cette parole et rentrer à la maison. Il n'y a que fille. Hein? Les actes de piété sont pratiqués par le pieux et le débauché. Tandis que la désobéissance, seul un véridique est capable de la délaisser. Vous suivez un peu ou pas? Et les actions de piété, je répète, je vois un signe de... C'est pas un changement que tu demandes, hein? Hein? Hein? Hein? Dis à Hassan, Annie, on voudrait... Hein? Non? Les actes de piété sont pratiqués par le pieux et le débauché. Tandis que la désobéissance, seul un véridique est capable de la délaisser. C'est une belle parole, ça, ou pas? Hein? C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Mimoun ibn Mihran, rahmatullah alayh, parmi les imams. Marr okhra bil arabi. Tayyib. A'amal ul bir, y'amaluha al barru wal fajir. Wa amma tark al ma'asiyah, fala yaqwa alayha illa siddiq. Ahsantum. Ah, machallah, il y a des gens déjà qui l'ont mémorisé, alhamdoulilah. Il faut essayer de retenir. Hein? Le hif, c'est un parmi les usul très importants de talab l'ilm. Et puis, Cheikh, il donne un exemple. Ça fait partie de son bon enseignement, il va donner un exemple. Il dit A'amalu al-bir wa y'amaluha al-bar wal-fazir. Wa la'allahu adribu bidhalika mathalan. Nahnu على اعتاب ابواب رمضان اي سي فري اون ني با تري لوان ميم ميتنون ني با تري لوان دو رمضان نسال الله ان يبلغنا واياكم هذا الشهر الكريم وان يتغمدنا واياكم بوسع فضله وكريم منته سبحانه جل وعز في هذا الوقت المبارك هذا الشهر المبارك يتصارع اهل الخير اليس كذلك بلى في الاطعام في الانفاق في بذل وجوه الاحسان للناس وهذا خير هذا خير يعان الناس عليه ويحثون عليه لكن انظر هذا تقريب أعمل بر يعملها البر والفاجر لا يعني ذلك أن كل الذين يتصدقون ويحسنون فجار أعوذ بالله من هذا المعنى وماذا رأى في خلدي إنما المراد أن في هذا الشهر يستوي الصالحون وغيرهم ممن أراد التقرب إلى الله بالعمل الصالح شيخ خلدي je donnerai peut-être un exemple illustrant cela. Nous sommes au port du mois de Ramadan. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse parvenir ainsi que vous à ce mois béni et qu'il nous enveloppe ainsi que vous de sa large grâce. En ce temps béni et en ce mois béni, les bienfaisants se concurrencent les uns les autres, n'est-ce pas? Dans le fait de donner à manger, de donner des aumônes et en faisant différents types de bienfaisances envers les gens, et cela est un bien et il faut aider quant à ce bien et y inciter. Ceci n'est qu'une manière de rapprocher le sens. Cheikh dit, attends, ça ne faut pas comprendre que je dis que... Hein? Les actes de piété sont pratiqués par le pieux et les débauchés. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui donnent des aumônes et font des actes de bienfaisance sont des débauchés. Hein? Nous cherchons refuge en Allah contre ce sens. Et le Cheikh le dit, je n'y ai même pas pensé à ce sens-là. Hein? Le sens de cela est qu'en ce mois béni, les vertueux et les autres parmi ceux qui veulent se rapprocher d'Allah par des actions vertueuses sont au même niveau. Regardez le Cheikh Kamal. Hein? Vous voyez, il dit, tandis que le délaissement de la désobéissance, c'est la vérité qu'on est capable. Puis il dit le Cheikh. يحتاج الى ان يجاهد نفسه وخاصه اذا ما خلا. Et ça c'est une chose très très importante. C'est le khalwa. Quand tu es tout seul de ton côté. Ah mais on est machallah à la mosquée ici etc. Je pense pas qu'il y en a qui va se lever et qui va commencer à faire des ma'asi ici. Hein? En plein milieu de la mosquée. Ça ou là. Alors quelqu'un on est tout seul. C'est autre chose. Hein? يحتاج إلى أن يجاهد نفسه وخاصة إذا ما خلا فعند تلك الخلوات تظهر النفس على حقيقتها وصدق والله ها وتنكشف قد يعمل الإنسان بعد الأعمال في الخفاء لكنه إذا ظهر أمام الناس يستحى صح ولا لا أو احتاط أو تحفظ أو نحو ذلك لكنه إذا خلا بمحارم الله قد يكون بعد الناس إذا خلا بمحارم الله انتهكها والعياذ بالله. Puis c'est un vers de poésie qui dit إِذَا مَا خَلَوْتَ الدَّهْرَ يَوْمًا فَلَا تَقُلْ خَلَوْتَ وَلَكِنْ قُلْ عَلَيَّ رَقِيبُ. Il est obligé de lutter contre son âme. On a vu, c'est ton copain l'âme, ça ou là là. Hein? C'est ton ami, hein? Hein? Non. Non. Il y a des frères qui n'étaient pas là hier et qui disent non, ils ont raison. Hein? J'ai dit que c'est ton ami, l'âme, ça ou là? Ah. C'est l'un de tes quatre ennemis. On a fait un cours sur les quatre ennemis hier. Et ton âme, c'est un. Si vous avez dit oui, Annie, moi, c'est comme si je suis venu à Nice pour rien. Hein? Il est obligé de lutter contre son âme et surtout en situation d'isolement. Car ces moments d'isolement montrent la réalité de l'âme et la mettent à nu. Il se peut que quelqu'un fasse certaines choses quand il est caché, mais aurait honte de le faire devant les gens. Ou il prendrait des précautions ou serait vigilant, etc. Mais s'il est seul en présence des choses interdites par Allah, il se peut qu'il commette ces interdits. Et puis c'est un vers de poésie dans la traduction. C'est difficile de traduire la poésie en français, mais on va essayer de traduire. Si un jour tu te trouves isolé, ne dis pas, je suis isolé, mais dis au-dessus de moi, il y a un observateur. Puis il dit, comme a dit certains salaf, فعل الطاعة فعل الطاعة ذكر لله واحسن منه ان تذكره فلا تقدم على المعصية. اما ترك المعصية يقول فلا يقوى عليها الا صديق صدق الله فصدقه الله جهد نفسه فافلح في جهادها وانتصر عليها وغلبها بل ما اذا خلا اجتهد في التقرب اليه بانواع الطاعات التي لا يعملها في ماذا في الظاهر التي لا يعلمها في الظاهر يعملها في الظاهر. Comme l'un de mes prédécesseurs a dit, pratiquer l'obéissance, c'est d'invoquer Allah, et meilleur que cela est de se rappeler de lui et donc de ne pas lui désobéir. Quant au délaissement, et c'est ça, Famarat l'Iman, il fait étudier l'Aqida, l'Asma al-Sifat. Et sur le Thémin et le Mashiach, quand ils donnent le cours dans l'Asma al-Sifat, ils ont toujours une chose, ils rapportent ce qu'on appelle Fawaid al-Maslakiyya. C'est-à-dire que ce nom et cet attribut d'Allah Azza wa Jal, comment toi tu le mets en application dans ta vie tous les jours? Or on sait tous que Inna Allah Sami'un Basir. Donc toi tu sais que quoi qu'Allah, il entend tout et voit tout, subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que ça implique? Toi même quand tu es tout seul, tu sais que quoi? Qu'Allah Sami'un Basir. Qu'est-ce que ça te fait? Ça fait que tu crains Allah, subhanahu wa ta'ala. Quant au délaissement de la désobéissance à Allah, il dit n'en est capable qu'un véridique. Il fut sincère envers Allah, Allah donc l'accepta. Il combattit son âme et donc réussit dans son combat. Il la domina et la vainquit. Mais de plus, s'il est isolé, il s'efforce à faire des actes d'obéissance qu'il ne fait pas quand il apparaît aux gens. Allahu Akbar. Regardez le halawat l'iman. Hein? La saveur de la foi. Tu es tout seul en khalwa. Et tu adores ton Seigneur. Subhanahu wa ta'ala. Et puis il rapporte une très très belle parole de qui? Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah. Qila li l'imam Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah ta'ala, ma lana nara rijalan, yani wujuhum fiha nour. Qal, ulaika khalaw bi nourillah. Fa'albasahum Allahu min nourihi. Wahum annahum kanu qalila min al-layli ma yahja'un. Wabil asharihum استغفرون سورة الذاريات. فهمت يا عبد الله؟ قال وأما ترك المعصية فلا يقع عليها إلا صديق تحتاج إلى جهاد. ها أصحاب الجهاد ها هو والنفس الأمار بالسوء راغبة تواقة تحتاج إلى إلجام. النفس تحتاج إلى ماذا؟ إلى ترويض. من يعرف ما هو الترويض؟ ها أصحاب الخيل le dressage. On va voir ce que ça veut dire, inshallah. Il fut dit à l'imam Abdullah Mubarak, qu'avons-nous de voir des hommes, c'est-à-dire qui ont des visages lumineux. Hein? Vous avez déjà vu le mashayikh ou pas? Mais je parle d'un des... On avait eu un sheikh avec nous hier, etc., mais je parle moi des grands mashayikh, al-kibar, etc. Vous avez eu l'occasion de voir, qui a déjà vu Sheikh Rabia? Hein? Son visage, vous avez vu son visage? Hein? Allahu Akbar. Sheikh Abel Jabiri. Hein? Alhamdulillah, on l'a vu, alhamdulillah, on a fait quelques cours avec lui, etc. On a fait quelques livres avec lui, alhamdulillah. Hein? Cheikh Abel Jabiri. Qui avait Cheikh Mohsen Abbad? Hein? Cheikh Abdel Zakh al-Badr, Cheikh Mohamed Ibn Hadi, Cheikh Abdel Bukhari. Hein? Et j'en passe des noms, Cheikh Al-Fouzan, Cheikh Al-Luhaydan, hein, Cheikh Falah Ismaïl, Cheikh, hein, tous les Cheikh que, hein, la liste elle est longue, hein, alhamdulillah, al-ilm, alhamdulillah, kuthur, etc. Yani, première chose, parce qu'évidemment, on voit ce qui apparaît en premier, c'est ça que vous voyez. La taqwa, elle se voit là. Hein? Un nour. Regardez qu'est-ce qu'il dit le Cheikh ici. C'est-à-dire, qu'avons-nous de voir des gens qui ont des visages lumineux? Il dit à Abdul Barak, ceux-là s'isolèrent avec la lumière d'Allah. Alors Allah les habilla de sa lumière. Et cela car, et c'est l'introduction du sens de certains versets de Surat Dariyat, ils dormaient peu la nuit. Et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et ça, tout sunni, il doit s'attacher, à, surtout le talib al-ilm, à avoir ce qu'on appelle wirdun, hein? D'avoir un certain nombre de prières qu'il prie la nuit, et surtout au dernier tiers de la nuit. Hein? Ça, c'est une caractéristique du sunni. Il doit essayer de s'attacher à ce que chaque nuit, il ait un certain nombre de rak'at qu'il prie pour Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est important, yakhou. Et qu'Allah fasse, nous tous, moi y compris, qu'on fasse partie de ces gens-là. Hein? Il y a d'autres hadiths qui parlent de la beauté du visage, etc. Vous connaissez le hadith qui dit « Nadar Allah imra'an, sami'a maqalati, fawa'aha fa'addaha kama sa'i » Beaucoup de riwayats. Cheikh Mohsen Al-Abbad, il a, dans son compilation de la sa'il et de livres, il a fait tout un... Il a remporté toutes les riwayats, il a parlé de, en long et en large de ce hadith. Et Cheikh Mokbil, il disait quoi, rahimahullah ?« Ey, ja'alahu da nadaratin. » Ey ? Hein ? C'est-à-dire que c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est en fait un doua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah embellisse un individu qui entend ma parole, la comprend et la transmet. Donc le fadl de quoi? Et Cheikh Abdel Zakh al-Badr dans un de ses cours, il dit que chaque musulman doit essayer au moins d'étudier un hadith pour entrer dans ce hadith. Hein? Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait doua pour celui qui étudie la sunna. Et la comprend, la transmet, etc. Que quoi? Qu'il l'embellisse. Et c'est un des signes des gens du hadith. Quand vous voyez le visage du Cheikh, hein, non? Fadal. Allahu Akbar. Et Ibn Qayyim, Ibn Qayyim, fi Hadi al-Arwah, lahu fasl khas fi Rut Allah Azza wa Jal, wa sharahahu Cheikh Rabi', wa tubi' risala mustaqilla. Hein? Donc on a dit quoi, Cheikh Abdel Azzaq, il dit même un hadith que tu essaies de rentrer dans cette doua du prophète alayhi wa sallam. Un hadith. Hein, moi je vous en donne un, maintenant vous me résumez quelques mots. Ittaqullah wasilu arhamakum. Khalas, je connais un hadith. Sahih Cheikh Al-Albani sahih Al-Jami'. À Salafi School, on fait publier un livre qui est fait par le fils de Cheikh Al-Islam. Et c'est une méthodologie pour le hadith, pour les enfants, de 3 ans à 11 ans. Il mourit 60 hadiths par an. À 11 ans, il connaît 600 hadiths. Hein? Et c'est classé par quoi? Évidemment, à 3 ans, il ne faut pas demander à un enfant d'étudier le hadith Jibril. Hein? Ou un hadith plus long. C'est par taille et par facilité dans les mots, etc. Et ça, c'est un hadith que j'ai dit là, c'est pour 3 ans. Taqullah wa silu arhamakum. Je pense que vous pouvez juste le répéter. Taqullah wa silu arhamakum. Inch'Allah, qu'avec ce hadith-là, on rentre dans la doua du prophète. Hein? C'est quoi le hadith? Le hadith, il est facile. C'est comme le Coran, il faut s'y mettre, c'est tout. Hein? Donc, sur la Dariyat, verset 17-18. As-tu compris, ô serviteur d'Allah? Il dit, tandis que délaisser la désobéissance, Allah n'en est capable qu'un véridique. Tu as besoin de combattre ton âme, car l'âme qui incite au mal désir, elle brûle d'envie, elle a besoin d'être bridée. De quoi a besoin l'âme? Elle a besoin de dressage, tarwid. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire, Inch'Allah. Car si tu la dresses, elle t'obéira, tandis que si tu la laisses, elle voyage et elle erre. Hein? Et Cheikh, il dit... والترويض معلوم أيها الأحبة معلوم عند أهل الخيل شنو بلد ها on a des ils aiment bien savoir des équipes de chevaux etc ils font des courses etc hein et ils dressent ces chevaux là parce que tous les chevaux sont les mêmes les chevaux le cheval qui a la ferme dans hein dans le fond de la campagne en France qui laboure hein c'est le même qui fait la course hein c'est ce que veut dire le cheikh ici معلوم عند أهل الخيل وهي التي يقال عنها الخيل المدمرة الخيل ليست على رتبة واحدة بعد الخيول التي تركب للسباقات وغير ذلك تجد أن قوامها وجسدها متناسق إلى غير ذلك بخلاف التي تجر العربات وتعمل في الحقول شكلها وبنيتها تختلف فإذا ما رادوا تعويض فرس أو خيل إلى مضمار السباق يروضونها والترويض هو إدخالها في محل نعم يمنعون عنها الطعام والشراب ويروضونها يعطونها الماء والطعام والشراب بحذر وقدر ويدربونها على الركض كما يقال الرياضة والسرعة فتجد بعد ذلك بعد حين تنقاد لمروضها لو قال لها قومي قامت اقعدي قعدت اركودي ركضت قفي وقفت هكذا النفس تحتاج إلى ترويض روضها ألجمها بلجام الشريعة الحرام أمسك عنه ولو كانت نفسك تتوق إليه تتوق إليه والعياذ بالله ستجد اللذة الطاعة نعم عجلها إليها وحثها إلى المبادرة إلى القيام بها نسأل الله جل وعلا يقول وسارعوا سورة آل عمران وسابقوا سابقوا سورة الحديد واضح شيخ الدي le dressage est connu il est connu chez les gens qui s'occupent des chevaux les chevaux qu'on appelle les chevaux entraînés les chevaux ne sont pas tous au même niveau. Certains chevaux qui sont montés dans des courses et autres ont une stature et un corps proportionné. Contrairement à ceux qui tirent les chariots et travaillent dans les champs, car leur forme et leur constitution sont différentes. Donc s'ils veulent habituer un cheval ou des chevaux pour le champ de course, ils les dressent. Le dressage consiste à le faire entrer à un autre. Vous allez voir là, par rapport à l'annefs, pourquoi ils utilisent ça comme exemple. Le dressage consiste à le faire entrer à un endroit et à ne pas lui donner à boire ni à manger. Il le dresse et lui donne de l'eau à manger avec mesure et parcimonie. Et l'entraîne à la course, au sport et à la vitesse. Tu vois qu'après un certain temps, le cheval obéit au dresseur qui, s'il lui dit lève-toi, il se lève. Assieds-toi, il s'assied. Cours, il court. Arrête-toi, il s'arrête. De même, l'âme a besoin de ce dressage. Dresse-la donc. Bride-la avec la bride de la législation islamique. Retiens-toi de ne pas commettre l'illicite, et ce même si ton âme le désire. Et nous cherchons refuge en Allah contre cela. Tandis que l'obéissance incite l'âme à vite s'en acquitter et presse à cela. Allah se dit dans ce dont la traduction du sens est, et concourez. Surat Ali Imran, verset 133. Et hâtez-vous. La traduction du sens de la parole d'Allah. Surat Al-Hadid, verset 21. Est-ce clair? إذن أيها الأحبة الترك ترك معصية الله على نور من الله النور هنا هو النور هناك الترك مبني على العلم مثاله بعض الناس قد يفعل بعض الأمور المحرمة صحيح هو لا يعرف أنها محرمة أليس كذلك؟ معروف هذا أقرب أكثر بعض المعاملات المالية قد يفعلها بعض الناس يرى يظن أنها جائزة وهي في حقيقتها محرمة أو مشبوهة وغير ذلك فيحتاج تركه لها إلى ماذا؟ إلى أن يعلم إذن تركه لهذا المنهي يحتاج إلى ماذا؟ إلى علم ولهذا قال الذهبي رحمه الله إذ المعاصي يفتقر اجتنابها إلى معرفتها ما تدري أنت أنها معصية سواء كانت قولا أو فعلا بعض الناس يرتكب أو يقول قولا محرما ولا يدري أنه محرم فهذا أمر مشاهد معلوم إذن النور هنا والنور هناك الترك مبني على علم Donc le délaissement de l'obéissance avec une lumière venant d'Allah. La lumière ici est la même que la précédente. On a dit que c'était quoi? La science. C'est donc le délaissement de la désobéissance basé sur une science. Exemple. Certaines personnes peuvent commettre quelque chose d'illicite, n'est-ce pas? Alors qu'ils savent, ils ne savent pas que c'est illicite. Cela est connu. Plus de détails. Certaines transactions financières peuvent être faites par certaines personnes, pensant qu'elles sont autorisées, alors qu'en réalité elles sont interdites ou ambiguës. Le délaissement de ces transactions nécessite qu'ils en aient la connaissance. Le délaissement de ces interdits requiert donc quoi ? Qu'il requiert une science. Et c'est pour ça que Dahabi, rahimahullah, il a dit, car le fait de s'écarter des désobéissances requiert de les connaître. Toi, tu ne sais pas que c'est une désobéissance, que ce soit une parole ou une action. Certaines personnes commettent ou disent une parole illicite et ne savent pas qu'elle est illicite. Ceci est une chose vue et connue. Il dit, craignant le châtiment d'Allah. قَالَ مَخَافَةً عِقَابَ اللَّهِ ما تركت هذا المنكر أو هذه المعصية إلا وأنت خائف خائف الله يعني خائف من الله عز وجل لأن سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نوضح dans le dars de Cheikh Ibn Ramzan plus tard inshallah c'est quoi plus en détail c'est quoi خائنة الأعين inshallah خائنة الأعين ما هي والتحريك العين هكذا c'est quoi خائنة الأعين qui se montre pour les frères arabophones hein خائنة الأعين ما هي خائنة الأعين مثلا أن ينظر النظرة هكذا خافي يخون بالعين هكذا كمخاني أو با واضحة ديورس إن شاء الله سيكو هات شو رقارد كمسا خائنة العيون سا رقار فولي سا كمسا كون دي نو فرانسي فيغ فيغتيف لازوازيون فيغتيف رابيد كمسا كاشي سي سا لا نوسيون فيغتيف. C'est quelque chose de... On va traduire, Inch'Allah. Khayna ta'l'ayoun. Cheikh, il dit... Tahrikou l'ayoun hakada. Évidemment, ici, il n'y a pas une photo pour voir comment Cheikh y fait. Mais c'est connu. Hada ya'lam wa jalla wa ala. Bel wa ya'lam ma tukhfi soudur l'khalq jami'an. Wa jalla wa ala ya'lam sirra wa akhfa. Vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire akhfa. Surat Taha. Ya'lam khayna ta'l'ayouni wa ma tukhfi soudur. Surat Ghafir. Bel dalalatu qawli ta'ala ya'lam sirra wa akhfa. Fiha dalalatun عظيمة. Il dit craignant le châtiment d'Allah. On est toujours dans la première partie de la définition. Ça, hein? Ah, y en a qui suivent. Hein? On est dans la deuxième. Hein? On est dans la deuxième définition, partie de la définition, deuxième moitié. Et on parle du fait de délaisser la désobéissance d'Allah avec une science venant d'Allah par crainte du châtiment d'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire craignant le châtiment d'Allah? Tu ne délaisses ce péché ou cette désobéissance que parce que tu crains Allah. Car Allah connaît la trahison des yeux. Hein? Ici à Nice, attention les yeux. Hein? En Angleterre, les Anglais, khlas, ils sont connus pour Khalif Tu'araf. Au plus tu es déluré, au mieux tu es. Hein? Mais, alhamdoulilah, moi j'aime beaucoup la chaleur. Hein? Alhamdulillah, quelque part qu'on a passé. Parce que si les Anglais ont ce temps-là, hein? Allah al-Musta'an, Allah al-Mu'ani, Allah al-Musta'an. Hein? C'est pour ça qu'ils viennent ici. Ah oui, c'est vrai, vous avez la promenade des Anglais. Hein? Yani, attention les yeux. On a un peu le temps, je vous raconte une histoire ou je ne raconte pas? Il n'y a personne, jamais personne qui dit non dans les histoires. Hein? Non, il raconte pas, il continue le cours. Moi, j'ai jamais entendu ça dans un cours. Hein? Qu'est-ce qu'on nous raconte des histoires? Hein? Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a rapporté dans un de ses livres l'histoire de quelqu'un qui était chez lui à la maison. Et il y a une femme qui est arrivée chez lui. Il est à la porte et elle cherchait Hammam min Jahabi. Hein? Elle a demandé, « Hal hada had Hammam min Jahabi ?» Hein, vous connaissez le hammam, c'est quoi? Hein? Même en français, on dit hammam, non? Et l'homme, il est tombé amoureux de la femme, elle était belle. Il l'a beaucoup aimé. Regardez le regard. Pourquoi? Parce qu'il la regardait. Hein? Il a dit, regardez le fitna, le shaitan. Il a dit, naam, hada hammam min jabi. Et il l'a fait rentrer chez lui. Mais la femme, elle était intelligente. Elle a compris qu'elle est devenue une proie de cet homme-là. Hein? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, Yanni, comme on est dans cette situation, il serait bien que tu nous ramènes quelque chose, Yanni, que j'ai pas envie d'être, je risque d'être vulgaire ou quelque chose, Yanni, pour que l'assise soit bien, Yanni, comme il faut. Hein? Que tu amènes quelque chose de terrain. الطيب عن الله ها Non, c'est pas vulgaire, mais c'est illustré. C'est... Hmm? Et donc, il est sorti, et elle a profité que la porte était ouverte, elle s'est enfuie. Hmm? Et quand il est revenu, il ne l'a pas trouvé. Et ça l'a affecté tellement qu'il disait toujours un poème. Et le poème, à la fin, il dit Anne, quelle femme elle est venue vers moi, elle est venue en demandant Anne, elle a roulé Hammam Minjabi, etc. Il a répété ce poème tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hein? Parce que l'Iyadou Billah, au moment de mourir, au lieu de dire La ilallah, il disait ce poème-là. Hein? Sur cette femme-là, le fitna. Hein? Il y a beaucoup, on peut raconter des histoires comme ça, c'est parmi le fait de regarder, hein? Par rapport au Hufan Qur'an. Il y en a un qui était au jihad tellement qu'il revenait presque jamais chez lui. Hein? Et un jour, combattait les, je me souviens, c'était les Romains, et il a vu une femme qui lui a beaucoup plu, hein, dans une citadelle qui était encerclée, hein, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a rejoint cette femme-là, hein, et il oublie tout ce qu'il connaissait du Coran, hein, sauf un verset du Coran, c'est quoi? Wadda, lazina, hein, laukanu, hein. Le frère, il a dit le verset. Hein? Qu'on peut traduire par quoi? Une traduction du sens approximatif. Hein? Est-ce que tu peux le traduire? L'arabe, hein? Yakhlas, alhamdulillah. Moi, j'aime pas traduire que quand je prends un du Coran, je prends que la traduction du sens du Coran qui est édité par l'Arabie Saoudite. Hein? Regardez le fitna. Une autre histoire aussi qui est rapportée par le Qayyim. Vous connaissez l'histoire du Mouaddin? Hein? Je pense qu'elle est quand même connue, cette histoire-là. Hein? Il y avait un Mouaddin qui faisait l'adhan dans un minaret qui était très haut. Et il voyait de chez lui, quoi, la maison d'un chrétien. Et dans la maison d'un chrétien, il avait une fille qui était très belle et qui, il regardait, il est tombé amoureux de cette femme-là. Et donc, il lui a fait savoir cela, etc. Il a dit, moi, tu dois aller voir mon père. Et il est donc voir le père, il a dit, nous, on est des gens chrétiens. Il a dit, si tu veux ma fille, tu dois devenir chrétien. Et il est devenu chrétien. Hein? Jusqu'à un jour, il est monté sur le toit. Hein? Donc il est monté sur le toit, et il est tombé, il est mort. Et il est mort chrétien. Et les chouris disent, hein, comme sur Zemar, il y a un repas de Jumu'a, ils disent, il a eu ni la femme ni le din. Ni la femme ni le din. Hein? Fitna, les yeux, c'est dangereux. Pourquoi j'ai raconté tout ça? Et moi, en général, j'aime pas rapporter les histoires que j'ai lues ou que j'ai entendues, sauf si je les lis comme elles ont été rapportées par le shir. Donc, si j'ai fait une erreur, Inch'Allah, Annie, hein? Elle a été rapportée par le bus iblis. Non, non. Mais j'aime pas rapporter par le sens en général, j'aime bien rapporter comme elle est en général. On a rapporté juste le sens ici, alhamdulillah. C'est juste une ishara, en fait, hein? Une indication pour dire qu'il faut faire attention au regard. Et l'importance de rad al-basar. Et d'ailleurs, Cheikh Demari, il a une khutba qui s'appelle Dunya Sijnul Mu'min. Hein, et je l'ai fait encore en français, elle est sur notre site. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Hein? Et c'est la dunya ici, c'est la prison du croyant. Et il dit le shir, mais tous tes membres en prison, hein, sauf dans ce qui est autorisé. C'est-à-dire ton regard, tu le mets en prison, sauf dans ce qui est autorisé. Ta langue, tu la mets en prison, sauf dans ce qui est autorisé. Et puis il donne tous des exemples, etc. Par le fait de regarder, le fait de parler, le fait de tout, etc., etc. Et il cite ces deux histoires-là dans sa khutba. Pour donner l'exemple de celui qui, yutliqu al-anan, li basarihi, comment on dit en arabe, l'anan, ça ou là, hein? C'est-à-dire que tu laisses la bride à ton regard. Khlas, hop, tu regardes, mais allez, je regarde. Là, il y a ce qu'on appelle le premier regard, qui est le regard que tu peux pas éviter parce que tu n'as pas l'attention. Nadar al-faj'a, hein? Par surprise, voilà, tu vois quelque chose, après c'est quoi? C'est pas que tu restes. Hein? Et attention, l'adou billah, regardez, shaitan, comme il oublie les choses. Les jeunes chez nous, qu'est-ce qu'ils disaient souvent? C'est le premier regard. Ça, oh là là. Hein? C'est du jeu, ça. C'est quoi, ça? Hein? Premier regard, tu es excusé. Attention, hop, baisse directement les yeux. Non? Allah al-Musta'an. Mais ils n'ont pas compris c'est quoi ce premier. C'est la guerre que tu as. C'est pas intentionnel. T'as vu, khlas, tu tournes la tête et tu baisses les yeux, khlas. Le shir, il dit, la traduction du sens du verset, la parole d'Allah connaît la trahison des yeux. Allah connaît la trahison des yeux, tout comme ce que les poitrines cachent. Sourate Ghafir, verset 19. La trahison des yeux, quelle est-elle? C'est le fait de bouger les yeux comme cela, hein, c'est-à-dire de manière furtive, comme il a dit le frère tout à l'heure. Et il le sait, subhanahu wa ta'ala. Même si tu regardes là, vous croyez qu'Allah ne sait pas, il ne le voit pas. Mais de plus, il sait que ce que les poitrines de tous les gens cachent. Il connaît certes les secrets, même les plus cachés. Surat Taha, verset 7. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Wa akhfa, et même les plus cachés. Hein? Il va le dire, il va bien expliquer le cheikh, il va détailler ce que tu dis. Et il connaît la trahison des yeux, tout comme ce que les poitrines cachent. Surat Ghafir, verset 19. Mais de plus, le verset de Surat Taha est à un sens sublime. L'imam Al-Qayyim, rahimahullah, il a dit, « Ma ma'na s-sir ?»« Ana aqul ma ma'na s-sir huna, fi qawli ta'ala, ya'lamu s-sirra wa akhfa. »« Qad yaqulu qa'il al-murad bi-sir ma kana bina ithnain hada s-sir. »« Lawna idha kana al-amr bina ithnain thumma da' ma kana sirran khalas intashar. »« Ma ma'na qawlihi ta'ala, ya'lamu s-sirra wa akhfa. » انظر إلى المعنى الدقيق في هذه الآية العظيمة. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: المراد بالسر هنا هو ما حدث به المرء نفسه ولم تنطق به شفتاه. السر في قوله يعلم السر هو ما حدث المرء به نفسه. أنت تحدث نفسك. قال: ولم تنطق به شفتاه. ما تكلم به وأخفى من السر. يعلم السر وأخفى. أي أخفى من السر. قال أي أنه سبحانه وتعالى يعلم أن عبده سيحدث نفسه بكذا وكذا وبعد لم يحدثها. فهذا دلالة قوله يعلم السر وأخفى. يعلم السر وأخفى أي وأخفى من السر جل وعلا. الإمام القيم رحمه الله الذي كل لسنس دو سكري. Je dis, c'est-à-dire Cheikh al-Bukhari, quel est le sens de secret ici dans ce verset? Écoutez bien ce sens-là, c'est profond. Hein? Il se peut que quelqu'un dise que ce qu'il voulait ici, c'est le secret entre deux personnes. Car si une chose est secrète entre deux personnes, puis est divulguée, ce n'est plus un secret. C'est fini car cela a été divulgué. Quel est le sens de secret ici? Il connaît certes les secrets, même les plus cachés. Regarde ce sens pointu dans ce sublime verset. L'imam al-Qayyim, rahimahullah, il a dit, le sens de secret ici, c'est que l'individu se dit à lui-même dans son fort intérieur. Et que ses lèvres ne prononcent pas. Allah, il le sait. Écoutez encore. Les secrets dont il connaît certes les secrets même les plus cachés, c'est ce que l'individu se dit à lui-même dans son fort intérieur. Toi, tu te parles en toi-même. Et il dit, et que tes lèvres n'ont pas prononcé. Il ne l'a même pas dit. Et plus caché que les secrets, il connaît certes les secrets même les plus cachés, c'est-à-dire, et plus caché que les secrets. C'est-à-dire qu'Allah sait que son serviteur va se dire à lui-même, dans son fort intérieur, telle et telle chose, alors que ce n'est même pas encore arrivé. Voici donc le sens de « il connaît certes les secrets, même les plus cachés ». Il connaît certes les secrets, même les plus cachés, c'est-à-dire, et plus caché que les secrets. Puis Cheikh, il rapporte quelque chose de très important, il dit « Allah yastahiqu hadal ilah, jalla fi ulah, an yuwahad ». وأن يجرد سبحانه وتعالى في العبودية تجريد العبودية له وأن تخضع له الرقاب ويذل له العبيد فيطرح بين يديه منيبين إليه مستغفرين تائبين مقبلين عليه جل وعلا سبحانه وتعالى. هذه حقيقة التقوى أيها الأحبة. فرابور تيتر كي كوا التقوى حقيقتها وأثر تطبيقها. إذن التقوى عمل بالطاعات وترك للمنهيات. وهذا العلم العمل والترك مبنيون على علم باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وإخلاص لله عز وجل. هذا معنى التقوى أو هذا هو معنى التقوى. عرفتم معناها الآن؟ vous connaissez son sens maintenant? Si tu rentres à la maison, ta famille, ton papa, ta maman, hein? Ta famille, tes femmes, hein? Ou ta femme, hein? Je veux dire vos femmes, c'est ça que je voulais dire, hein? Peut-être qu'il y en a qui ont plusieurs, Allah alim, hein? Tes enfants, etc., tes voisins, hein? Tu leur apprends le sens de la taqwa. Et donc, عرفتم دلالات قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته سوره ال عمران. هذه دلاله كلمه حق التقوى أيها الأحبة ثلاثة مراتب. Puis va porter maintenant les trois degrés de la taqwa. Mais avant cela, il dit une parole très importante. Allah n'est-il donc pas en droit que l'adoration lui soit vouée à lui uniquement, subhanahu wa ta'ala, et que l'adoration lui soit vouée pure à lui seul, et que les échines lui soient soumises, et que les serviteurs se soumettent à lui, subhanahu wa ta'ala, et que donc ils se jettent devant lui, subhanahu wa ta'ala, se tournant vers lui, repentant, demandant son pardon, se dirigeant vers lui, subhanahu wa ta'ala. Voilà donc la réalité de la piété, ô mes frères bien-aimés. Donc la piété, c'est de pratiquer l'obéissance d'Allah et délaisser la désobéissance d'Allah. Et cette science, la pratique et le délaissement sont basés sur la science, en suivant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et en étant sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Une parole que je viens de me rappeler de Cheikh Zayd ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah, il dit: min khasa'is al-firqa an-najiyah hirsuhum 'ala jami' al-'ilm ash-shar'i. Oh Allah, c'est vrai. Il a dit parmi les spécificités du groupe sauvé, c'est leur rattachement et leur désir ardent dans la quête de la science, de la législation d'Islam. Et c'est vrai. Et comme l'a dit Cheikh Abdel Hadi, il a dit, yani, papa hadith, man yuridillah bi khairan, yani, si, il faut te poser des questions si tu ne t'attaches pas à étudier la science. Sallallahu alayhi wa tawfiq, wa al-mazid min al-ilm. Cela est le sens de la piété. Connaissez-vous donc son sens de renavant? Donc vous connaissez maintenant le sens du verset dans la traduction du sens est: oh les croyants, craignez Allah comme il doit être craint. Donc maintenant que vous entendez la khutbah, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih, vous savez, hein, le sens de la taqwa maintenant. Puis Cheikh, il dit la piété à 3 degrés et on arrive à la fin du cours, inshallah. Al-martabatu al-ula kama qala Ibn al-Qayyim rahimahullah, himyatul qalb wal jawarih 'an al-atham wal muharramat bi jami'i suwariha, hadhihi mada ar-rutba al-ula. Premier degré, c'est quoi? Comme l'a dit Ibn Qayyim rahimahullah, la préservation du cœur et des membres des péchés et des choses illicites, quelles que soient leurs différentes formes. Cela est donc quoi? Le premier degré. D'accord? Le deuxième. Al-martabatu thaniya. Yaqulu rahimahullah. Et d'ailleurs, ce cours-là, vous le trouvez sur le site de Cheikh Abd al-Bukhari. Hein? Vous le trouvez, hein? Pour les frères qui sont arabophones et qui veulent peut-être le... Et celui-là, Inch'Allah, comme je l'ai dit, en français, vous l'aurez aussi, Inch'Allah. On l'a fait pour vous en livre, Inch'Allah. Al-martabatu thaniya yaqulu rahimahullah, himyatuhu ala al-makruhat. La taqul hada amr makruh. Il y en a beaucoup, c'est makruh, ma'alish, hein? Non. Et pour parler du makruh, il y a combien d'ahkam shari'a chez les fuqaha? Hein? 5, c'est quoi? Haram? المكروه المباح المندوب والمستحب اي بي الواجب اي سي كو المكروه سا سي ان تراديكسيون لينغويستيك سي كو السنس نعم ها بي بريسي. Oui, chez les mutaqaddimin, parce que quand ils tahashawn, quand ils mettent le haram, ils disaient, ana akrahu dalik, ils disaient que c'est makro, etc. Et même, il y a des versets du Coran. Qui connaît le verset du Coran avec le mot karraha? Hein, vas-y. C'est à la fin, quand il cite les ordres, il dit, kul dalika kana sayyi'u 'inda rabbika makruh. Eh wa? Ah, karraha ilaykum al-kufr. Yani, on va dire le kufr, c'est makro. Hein? Mais le frère, il veut Faris, tu voulais dire la définition? Makruh, hein? Tarikou.